on va tout niquer. Aspigetto, aspigetto, aspigetto, aspigetto. On te fait tourner la tête comme un tourniquet. Alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo. On n'a pas le temps et on n'est pas là pour blaguer. Pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot. Le succès sans être dans le game, on le connaît. Plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo. J'suis pas dans le game, mais j'ai la classe. Les salopes de chez nous ne kiffent pas, sont les premiers de la classe. J'arrive du 7-6 avec un flot de bâtard. J'travaille mes rimes, taf dur, du matin jusqu'au soir. Bloqué dans le noir, mon équipe plonge dans deux salles 6. Toi, ta copine nous kiffe, bouteille de champagne au comptoir. On a la dalle, et on se le cache pas. On veut du pif des salopes, parce qu'ici on aime ça. Fini la galère, fini de se contenter du minimum. J'vis ma vie au jour le jour, devant chaque minute au maximum. N'est pas le seum. Si tu vois qu'on est les meilleurs, on est là où je nous attends pas, on change de pose tous les quarts d'heure. Cheer, on va tout niquer. Un spigetto, un spigetto, un spigetto, un spigetto. On te fait tourner la tête comme un tourniquet. Alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo. On n'a pas le temps et on n'est pas là pour blaguer. Pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot. Le succès sans être dans le game, on le connaît. Plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo. J'taffe dur, m'améliore de jour en jour. J'attends la ligne d'arrivée en marchant quand toi tu cours. Viré by night tous les week-ends. J'suis rempli d'alcool, du soir jusqu'au bout des doigts. Et ta pétasse nous colle à l'odeur de l'argent sale qui nous colle à la peau. Je n'ai plus qu'ambitieux. On te laissera sur le carreau. On va tout baiser, percer de signes. On a la dalle depuis la cour de récré. Soit qu'il est pas prêt de partir, on s'impose. On va tout arracher. Tire, on va tout niquer. Aspigetto, aspigetto, aspigetto, aspigetto. On se fait tourner la tête comme à tourniquer. Alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo. On n'a pas le temps et on n'est pas là pour blaguer. Pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot. Le succès sans être dans le game, on le connaît. Plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo. Tous ces pédés vont finir et tout faire parce que je suis ces débiles. On débite là où j'habite, on abrite ta mes shit. Oh shit, ça va plus, je me couche tard, je me lève tôt. Tu finiras démoli comme une pyramide de Lego. J'aime les gros boules serrées par la ficelle du string. Ton équipe n'est pas mort dans le film, elle est tête dans le casting. On n'a pas tendu la gaffe pour faire tourner la roue de la fortune. On sent pas les coups de feu l'emploi, c'est dans la rue qu'on postule. On va tout niquer. On te fait tourner la tête comme un tourniquet. On n'a pas le temps et on n'est pas là pour blaguer. Le succès sans être dans le game, on le connaît. Tire. On va tout niquer. Aspigetto, aspigetto, aspigetto, aspigetto. On se fait tourner la tête comme un tourniquet. Alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo, alcool pédo. On n'a pas le temps et on n'est pas là pour blaguer. Pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot, pas le temps frérot. Le succès sans être dans le game, on le connaît. Plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo, plutôt télo.